Le cri du peuple a reparu. Demandez le cri du peuple par Jacques Vintras. Il est 2 heures de l'après-midi et déjà 80 000 pages se sont envolées de l'imprimerie sur cette place et sur les faubourgs. 26 mars. Jacques entend de nombreux éloges sur son journal, mais à ses yeux, ce succès est très mitigé car la situation n'est pas bien brillante. L'Empire tombé, le Prussien est venu. Le Prussien, le 31 octobre, le 22 janvier. On avait assez à faire de ne pas mourir de faim, de froid ou d'inanition et de tenir en joue la défense nationale tout en tenant tête à l'ennemi, toujours sur la brèche, aux aguets ou en avant. Allez donc peser les théories sociales quand ils tombent de ces grêlons de fer dans le plateau de la balance. Qui occupe les postes importants? Pas un homme connu. C'est un maître de lavoir qui a la signature à l'intérieur. Un brave garçon que j'ai connu sur les hauteurs de Belleville et qui s'improvise à mon adjoint dans la nuit du 31 octobre à la mairie de la Villette. Il signe des ordres, pavés de barbarisme, mais pavés aussi d'intentions révolutionnaires. Et il organise, depuis qu'il est là, une insurrection terrible contre la grammaire. Alors que Jacques demande à ce ministre que le Figaro puisse à nouveau paraître, car ce journal lui a longtemps permis d'être libre, le ministre lui répond « Toi, Vintras, motus là-dessus. Ces fédérés qui t'entendent vont te suspecter et s'indigner. Le journal, qui les a traités de viande, à bagne, aurait le droit de reparaître pour les injurier de nouveau, y penses-tu? Mais un sergent et une compagnie, sans nous demander d'ordre et bousculant nos résistances, irait sauter sur les rédacteurs et les fusillerait d'Autor et d'Achar. Aimes-tu mieux ça? » Il s'exaltait, et autour de lui, on s'exaltait aussi. « Et à l'instruction publique, sais-tu qui est là ?»« Eh oui, le grand rouillé. Il est cordonnier et révolutionnaire. Je chausse les gens et je déchausse les pavés. » Il n'est guère plus fort en orthographe que son collègue de l'intérieur. Mais il en sait plus long en histoire et en économie sociale, ce savetier, que n'en savent tous les diplômés réunis qui ont, avant lui, pris le portefeuille, dont il a avant-hier tâté le ventre, avec une moue d'homme qui se connaît plus en peau de vache qu'en marocain.